Juges chapitre 15. Or il arriva quelques jours après, au temps de la moisson des bleds, que Samson alla visiter sa femme, lui portant un chevreau de lait, et il dit, « J'entrerai vers ma femme en sa chambre », mais son père ne lui permit point d'y entrer, car il lui dit, « J'ai cru que tu avais certainement de l'aversion pour elle, c'est pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Sa sœur Pinée n'est-elle pas plus belle qu'elle? Je te prie donc qu'elle soit ta femme au lieu d'elle. » Et Samson leur dit, « À présent je serai innocent à l'égard des Philistins quand je leur ferai du mal. » Samson donc s'en alla, et prit 300 renards, il prit aussi des flambeaux, et il tourna les renards queue contre queue, et mit un flambeau entre les deux queues, tout au milieu. Puis il mit le feu au flambeau, et lâcha les renards au bled des Philistins qui étaient sur le pied, et il brûla tant le bled qui était en gerbe, que celui qui était sur le pied, même jusqu'aux vignes et aux oliviers. Et les Philistins dirent, « Qui a fait cela ? » Et on répondit, « Samson, le beau-fils du Tinien, parce qu'il lui a pris sa femme, et qu'il l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins donc montèrent, et la brûlèrent au feu, avec son père. Alors Samson leur dit, « Est-ce donc ainsi que vous faites ? Cependant je me vengerai de vous avant que je cesse. » Et il les battit entièrement, et en fit un grand carnage, puis il descendit, et s'arrêta dans un quartier du rocher d'Étham. Alors les Philistins montèrent, et se campèrent en Juda, et se répandirent en Lehi. Et les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin que nous lui fassions comme il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda descendirent vers le quartier du rocher d'Étham, et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous, pourquoi donc nous as-tu fait ceci ?» Il leur répondit, « Je leur ai fait comme ils m'ont fait. » Ils lui dirent encore, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Et Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne vous jetterez point sur moi. » Et ils répondirent, et dirent, « Non, mais nous te lierons très bien, afin de te livrer entre leurs mains, mais nous ne te tuerons point. » Ils le lièrent donc de deux cordes neuves, et le firent monter hors du rocher. Or quand il fut venu jusqu'à Lehi, les Philistins jetèrent des cris de joie à sa rencontre, et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qui étaient sur ses bras, devinrent comme du lin où l'on a mis le feu, et ses liens s'écoulèrent de dessus ses mains. Et ayant trouvé une mâchoire d'âne, qui n'était pas encore desséchée, il avança sa main, la prit, et il en tua 1000 hommes. Puis Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne j'ai tué 1000 hommes. Et quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et nomma ce lieu-là Ramath-Lehi. Et il eut une fort grande soif, et il cria à l'Éternel en disant, « Tu as mis en la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Alors Dieu fendit une des grosses dents de cette mâchoire d'âne, et il en sortit de l'eau, et quand Samson eut bu, l'esprit lui revint, et il reprit ses forces, c'est pourquoi ce lieu-là a été appelé jusqu'à ce jour en Corée, qui est à Lehi. Or Samson jugea Israël au temps des Philistins, 20 ans.